Chapitre 9e. Toilette pour le thé. Le lendemain du jour où Marguerite avait rencontré Nicolas et sa fille, Mr. Hill entra dans le petit salon à une heure où il ne s'y montrait pas ordinairement. Il s'approcha de différents objets qui se trouvaient dans la pièce et parut les examiner avec soin. Mais Marguerite vit clairement que c'était un biais pour arriver à autre chose, une façon d'entrer en matière, ou plutôt d'éluder un moment la question qu'il désirait aborder sans en avoir le courage. « Ma chère, dit-il enfin, j'ai prié Mr. Thornton de venir ce soir prendre le thé avec nous. » Mrs. Hale, étendue dans son fauteuil, avait les yeux fermés et portait sur son visage une expression de tristesse qui, depuis quelque temps, lui était devenue habituelle. Les paroles de son mari l'attirèrent de l'engourdissement où elle était plongée. « Mr. Thornton, » s'écria-t-elle d'une voix dolente, « Mr. Thornton, ce soir, mais quel besoin cet homme a-t-il de venir ici? Et Dixon, qui est en train de savonner mes dentelles, sans compter que par cet affreux vent d'est, l'eau est si dure qu'elle ne dissout pas le savon. Je crois en vérité qu'Hamilton, le vent souffle toujours du même côté. « Il vient de tourner, ma chère, » dit Mr. Hale en regardant la fumée, que le vent chassait précisément à l'ouest. Mais ne sachant pas s'orienter, il avait cru pouvoir faire aller la girouette d'après les besoins de la cause. « Je n'en crois rien, » dit Mrs. Hale, qui rapprocha en frissonnant les deux bords de son manteau. « Mais peu importe, de l'est ou de l'ouest, cet homme n'en viendra pas moins. Vous pouvez y compter, chère maman. La bise n'est pas faite pour arrêter Mr. Thornton. Je suis même persuadé qu'il recherche la lutte avec ardeur. » Qu'elle lui vienne des éléments ou des hommes, et plus il fera mauvais temps, plus il est certain qu'il viendra. Mais soyez tranquille, je vais descendre et j'aiderai la pauvre Dixon. Je suis en train de devenir une excellente blanchisseuse de faim. Quant à Mr. Thornton, la conversation de mon père lui suffira amplement, et j'ai le plus vif désir de connaître le pitias de papa. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, et nous étions si embarrassés l'un et l'autre que nous n'avons pas dit grand-chose de bon. « Je ne pense pas qu'il te convienne, Marguerite. Ce n'est pas un merveilleux qui fasse l'aimable auprès des femmes. « Je ne tiens pas du tout à ce qu'on soit aimable avec moi, » répondit Marguerite en imprimant à son coup de signe une ondulation pleine de fierté. « Mais Mr. Thornton, poursuit-elle, est votre ami, un homme qui a su vous apprécier. « C'est le seul Hamilton, » interrompit Mrs. Hale. « Nous lui ferons donc un bon accueil. » Et nous lui donnerons des gâteaux au chocolat. Dixon sera enchanté qu'on l'a pris d'en faire quelques-uns. Et je vais entreprendre, chère maman, de repasser vos bonnets. Marguerite n'en souhaita pas moins ce jour-là que Mr. Thornton fût parti pour les Grandes Indes plutôt que de venir le soir prendre le thé avec eux. Elle avait fait 1000 projets pour l'emploi de sa journée. Elle devait écrire à Edith, aller voir les Higgins et traduire quelques belles pages de Dante. Il lui fallait, au lieu de cela, repasser les dentelles de sa mère et prêter l'oreille aux complaintes de Dixon, espérant qu'à force de patience, elle empêcherait la vieille bonne d'aller faire à Mrs. Hale le récit de ses douleurs. Il n'y avait que le souvenir de l'amitié dont son père honorait Mr. Thornton qui put lui faire supporter l'irritation et la fatigue qui s'emparaient d'elle et lui donnait le plus affreux mal de tête qu'elle eût éprouvé depuis longtemps. C'est à peine si elle put dire à sa mère d'une voix défaillante, lorsqu'elle remonta au salon, qu'elle n'était plus Peggy la blanchisseuse et qu'elle rentrait enfin dans son rôle de grande dame. Elle avait, en disant ces paroles, l'intention de plaisanter. Elle fut à la fois surprise et vexée de voir que sa mère prenait la chose beaucoup plus sérieusement qu'elle n'aurait voulu. « Oui, » répondit Mrs. Hale d'un air profondément abattu. Si l'on m'avait dit, lorsque j'étais Miss Burstford, l'une des jeunes personnes les mieux posées du comté, si l'on m'avait dit alors que ma fille, ma propre fille, passerait la moitié de sa jeunesse dans une affreuse petite cuisine à travailler comme une servante, afin que nous puissions faire une réception convenable à un marchand, et que ce marchand serait le seul... « Oh, maman !» dit Marguerite en se levant. « Ne me punissez pas des sottes paroles que j'ai dites. Je suis enchanté lorsque je peux faire quelque chose pour vous ou pour papa, voire de savonner ou de repasser des dentelles. je n'en serais pas moins une lady par ma naissance et mon éducation, alors même que je nettoierais le plancher ou que je laverais la vaisselle. Je suis un peu fatigué, il est vrai. Mais avant une demi-heure, je serai complètement reposé, et toute prête à recommencer, je vous assure. Quant à Mr. Thornton, le pauvre garçon est dans le commerce, nous ne pouvons rien à cela. Je ne crois pas que son éducation lui permît de faire autre chose. » Et Marguerite, après avoir traversé lentement le salon, alla s'enfermer dans sa chambre, car pour l'instant elle n'avait plus la force de parler ni d'agir. Une scène pareille, ou du moins analogue, se passait à la même heure dans la maison de Mr. Thornton. Une grande et forte femme, ayant franchi depuis longtemps la cinquantaine, était assise dans une salle à manger peu attrayante, bien que meublée avec élégance. Les traits de cette femme étaient fortement accentués plutôt que massifs, et son visage révélait un caractère énergique, une volonté ferme et décisive. L'expression de sa physionomie était peu variée, mais il était rare qu'on entrevît sa figure sans la regarder une seconde fois. Les passants eux-mêmes se retournaient pour suivre des yeux cette femme digne et sévère, qui ne semblait rien voir autour d'elle, ne saluait personne dans la rue, et marchait droit au but qu'elle se proposait d'atteindre. Elle portait une robe de soie noire, d'une étoffe magnifique, dont pas un fil n'était usé ou fané, et raccommodait une nappe énorme de la plus grande finesse, qu'elle déployait en la tenant devant la fenêtre pour découvrir les endroits qui réclamaient ses soins. Il n'y avait, dans la pièce où elle était assise, d'autres livres que les commentaires d'Henri Mathieu sur la Bible, six volumes placés au centre d'une console massive et flanqués d'une lampe et d'une bouilloire à thé. Dans une chambre éloignée résonnait un piano. Quelqu'un jouait un morceau de salon avec rapidité, accrochant une note sur trois, et continuant à faire vibrer avec satisfaction les grosses cordes de cet instrument peu d'accord. Un pas décidé traversa le vestibule et passa devant la porte de la salle à manger. « John, est-ce toi ?» demanda Mrs. Thornton. Son fils ouvrit la porte et se montra immédiatement. « Qu'est-ce qui te fait rentrer de si bonne heure ? Je croyais que tu allais prendre le thé avec ce Mr. Hale, cet ami de Mr. Bell. « Oui, ma mère, je suis revenu pour m'habiller. » T'habiller. De mon temps, les jeunes gens ne s'habillaient qu'une fois par jour, et cela leur suffisait. À quoi bon t'habiller pour aller prendre une tasse de thé avec un vieux ministre? Mr. Hale est un gentleman, et sa femme et sa fille sont des ladies, ma mère. Sa femme et sa fille des ladies. Qu'est-ce qu'elles font? Donnent-elles aussi des leçons? Tu ne m'avais jamais parlé d'elles. C'est tout simple. Je n'ai jamais vu Mrs. Hale, et c'est tout au plus si j'ai passé une demi-heure avec Miss Hale. « Prends garde de te laisser attraper par une fille qui n'a pas le sou, John. »« On ne m'attrape pas facilement, vous le savez bien, ma mère. »« Je désire en outre qu'on ne me parle pas de Miss Hale en pareil terme, cela m'offense. »« Je ne me suis jamais aperçu qu'une jeune fille ait essayé de m'attraper, comme vous dites. »« Et je ne crois pas que personne ait songé à prendre cette peine inutile. »« Je te dis seulement de faire attention, de te tenir sur tes gardes, » reprit Mrs. Thornton, qui n'était pas femme à laisser le dernier mot à son fils et qui, en général, ne manquait pas d'orgueil pour son sexe. « Peut-être, poursuivit-elle, nos jeunes Miltonaises ont-elles trop de cœur et trop de bon sens pour aller à la pêche au mari. Mais cette Miss Hale vient des comtés aristocratiques, où, dit-on, les riches maris sont des proies estimées. » Mr. Thornton fronça les sourcils et fit quelques pas en avant. « Vous me forcez à tout avouer, ma mère. » dit-il avec un rire bref et ironique. La seule fois que je l'ai vue, Miss Hale m'a traité avec une politesse hautaine, où le mépris se faisait vivement sentir. Elle s'est tenue à distance comme si elle avait été une reine, et moi son vassal humble et crasseux. Soyez tranquille, ma mère. Non, je ne suis pas tranquille, et encore moins satisfaite. La fierté lui sied bien à cette fille de renégat. À ta place, je ne m'habillerai pour aucun d'eux, famille d'insolents. Mr. Hale est bon, instruit et distingué, d'une cordialité parfaite. Quant à Mrs. Hale, je vous dirai ce soir comment elle est, si vous tenez à l'apprendre, répondit Mr. Thornton en quittant la salle à manger dont il ferma la porte. Mépriser mon fils, le traiter comme un vassal, ah vraiment ! S'écria sa mère lorsqu'il se fut éloigné. Je voudrais bien savoir où elle trouverait son pareil. Enfant ou homme, il a toujours le cœur le plus brave, le plus noble que j'ai jamais connu. Et peu importe que je sois sa mère. Je vois ce qui est. Rien ne m'aveugle. Je sais ce que vaut Fanny, mais aussi ce que vaut John. Le mépriser, lui, je la déteste.